L'actualité à Nancy et ailleurs. Les 22 et 23 novembre à l'AXOU, au CILM plus précisément, vous avez rendez-vous pour la 5e édition du festival Danse, Thérapie et Danse en Conscience. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Sylvie Baradel. Bonjour. Bonjour Yves. Vous pouvez nous expliquer un peu comment est né ce projet ? Alors la première édition a eu lieu en 2021, c'est-à-dire que ce projet a été pensé et créé en pleine pandémie en 2020. Et ça a été quelque part notre réponse à nous, d'abord une réponse personnelle, de se dire comment on peut recréer des liens, quelque part se revoir. Et puis, ça a été aussi notre façon de vivre ce confinement à travers le mouvement et à travers la danse. Et il y a déjà eu 4 éditions, donc ça veut dire que ce sentiment a été déjà partagé par beaucoup d'autres. Oui, partagé. Il continue d'ailleurs d'être porté par les participants et les participantes, par le bouche à oreille, puisqu'il devient un rendez-vous, une rencontre, pas juste des danseurs, mais des personnes qui ont envie de remettre du lien avec eux-mêmes et avec les autres. Donc ça dure 2 jours, les 22 et 23 novembre. On parle donc de festival de danse-thérapie, de danse en conscience. Alors on peut expliquer danse-thérapie, qu'est-ce que vous mettez derrière ? Alors pour faire simple, parce que souvent le mot thérapie peut faire peur, tout simplement rappeler l'origine, l'étymologie donc du grec ancien ou thérapie, ça veut tout simplement dire prendre soin. Prendre soin, donc soigner. La danse-thérapie est une pratique psychocorporelle qui permet d'accéder à son intériorité sans passer par les mots, sans passer par le langage. Et en ce sens, et par le médium, c'est-à-dire le moyen de la danse, et qui dit danse dit une suite de mouvements, donc la danse devient un magnifique outil de connaissance de soi, de développement et de transformation. La danse en conscience apporte la qualité de l'écoute, de la présence, de la disponibilité à soi, aux autres et à plus grand que soi. Donc elle nous donne les 3 dimensions dans lesquelles on peut voyager. La danse, c'est un moyen d'expression international. Il y aura différentes danses proposées. Oui, l'objectif de ce festival est justement de faire connaître la richesse et la diversité des pratiques corporelles qui sont donc issues du grand monde, on dirait, de la danse libre. C'est-à-dire, il n'est nul besoin de savoir ni danser ni chanter pour participer à ce festival. C'est vraiment un vrai événement intergénérationnel. Et par contre, il a comme envie de partager cette richesse de différentes danses. Il y a 16 ateliers dans lesquels chacun va pouvoir trouver un rythme plus ou moins dynamique, plus ou moins introspectif, plus ou moins en lien avec le mouvement, avec l'imagination, avec la créativité, avec le rythme et avec le souffle. Vous l'avez dit, on n'est pas obligé de savoir déjà avoir des connaissances en danse. Il n'y a pas de prérequis, c'est-à-dire il y a juste besoin d'avoir envie de bouger, tout simplement, de se faire du bien, de se ressourcer, de trouver et peut-être de remettre des espaces de vie, d'avoir un corps vivant, d'avoir un corps vibrant. Donc les danses sont suffisamment variées, ou les pratiques dansées qu'on fait découvrir sont suffisamment variées pour que chacun y trouve son compte. Je vais vous en citer quelques-unes. Certaines seront déjà connues, donc de la danse médecine à l'expression primitive, tantra danse, danse Malkowski, les 5 rythmes, danse impro contact, Ori Tahiti, donc des danses reliées donc aux danses polynésiennes, donc avec des ancrages à la terre, la danse Nia, et puis il y a également des propositions de bains sonores, Ongong, au bol tibétain, à travers aussi un atelier de voix et chant, et puis une méditation qui est proposée sur la Kundalini, donc méditation d'Osho. Donc c'est un choix qui est laissé aux participants, sachant que chaque jour, on peut suivre effectivement 8 ateliers. Et donc on voit des choses très très différentes. Comment faut s'organiser alors si on veut participer ? Alors il est juste besoin en fait de s'inscrire, donc l'inscription, la billetterie se fait par LOSO. Par contre, à l'intérieur, il n'est nul besoin de s'inscrire sur les ateliers, puisqu'on se laisse choisir sur place celui qui va nous plaire et qui va nous appeler. Oui, ça me fait penser que j'ai omis 2 ateliers qui sont qui est pas moindres. Un atelier de danse-peinture et puis un magnifique, magnifique atelier de danse de la paix universelle. Et pour être encore plus complet, il y a aussi celui de la biodanza. Danse biodynamique et danser être danse. Et vous avez évoqué donc plusieurs thèmes, parfois inconnus du grand public. C'est le but du jeu justement de donner à travers un événement, un week-end, sur la base d'un week-end, envers un public qui est qui est grand public, hein, de donner à goûter la saveur d'atelier. Peut-être quelqu'un n'irait pas un jour se dire, tiens, je vais faire un stage ou un atelier d'une demi-journée ou trois heures, mais à l'intérieur d'une journée ou deux journées, puisqu'il est possible de s'inscrire uniquement sur une journée, mais bien sûr, on favorise la possibilité de vivre la complète transformation sur les deux jours, on va pouvoir découvrir plein de choses. Si vous deviez résumer ce rendez-vous en quelques mots. Je mettrai l'accent sur la dimension collective de cet événement, parce qu'en fait, c'est un vrai événement intergénérationnel, chaleureux, qui nous rassemble et qui nous ressemble aussi. Et j'aurais envie de dire, on n'a jamais, jamais été autant que maintenant invités à danser, danser nos vies, vivre nos danses, et pouvoir s'exprimer vivant et vibrant dans nos corps, encore une fois, revenir au corps, en lien avec nous-mêmes et avec les autres. Et le dernier témoignage qui a été porté d'ailleurs par des participants, c'était de dire « on vient chercher des espaces de liberté ». Bien sûr, la détente, mais cette liberté qui nous permet effectivement, à travers des expériences corporelles et à travers les sensations, les émotions, de nous faire du bien. Je crois que c'est aussi simple que ça, se faire du bien. Une expérience à vivre, donc le festival Danse Thérapie et Danse en Conscience. Je rappelle que ce sera les 22 et 23 novembre au CILM à l'Axou, au 23 rue de la Meuse. Pour eh bien, en savoir plus, un site internet pour réserver. Alors, la réservation se fait sur Eloasso. L'intégralité du programme est disponible sur notre site www.danserlâcherprise.fr, danser ER, lâcher ER, tout attaché. Une adresse email si vous souhaitiez plus d'informations, donc tout attaché, danserlâcherprise@gmail.com et un numéro de téléphone 06 84 25 35 28. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette cinquième édition, Sylvie Baradel? De la joie et de la joie partagée. Voilà. Merci. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.